Les idées saines, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les idées qui font que ça marche. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Nous sommes en train de crever. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Et va tout droit. Aujourd'hui, la France va mal, à la fois sur le plan financier, la dette, le budget d'État est énorme, 100 milliards, le déficit, on s'en fout, 45 milliards d'euros, c'est pas grave. Réalité, pas la fiction, réalité, pas la fiction, réalité, réalité, pas la fiction, pas la fiction, pas la fiction, pas la fiction, pas la fiction, réalité. Il faut le savoir, les moyens de travailler, les moyens de produire, moyen de créer des bons produits, le moyen de les vendre, eh bien la France va tout droit à un chômage généralisé. C'est ça la vérité. Faut que ça marche. C'est la vie. Nous vivons de la fiction, des moyens de produire. Réalité. Pas la fiction. On vit dans la fiction parce qu'on oublie. On oublie que l'économie, c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. C'est la vie. Aujourd'hui, la France va mal, bah, c'est les idées qui font que ça marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Réalité. Nous sommes en train de crever. Il faut le savoir, il faut le savoir, il faut le savoir. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité.